La chronique du club de golf de Chibougamau avec notre ami Michel Allemand. Salut Michel. Michel, Oui. ça a pas été. Je sais pas ce qu'il fait à Chibougamau, mais ici, c'est pas beau. Ça peut pas être pire, certain, chez vous que chez nous, parce que aujourd'hui, pour la quatrième journée consécutive, on est complètement Ah fermé. oui? OK, monsieur. Il fait 2 degrés aujourd'hui, puis il annonce encore un peu de la pluie pour ce OK. soir. Fait que donc, depuis lundi, là, aucun golfeur a rien. Il pleut, il fait 0, il fait 2-3. Ça, c'est dramatique, hein? C'est déjà, ça a déjà un impact négatif là, sur l'année, là. Ça part vraiment très mal la saison, surtout que le terrain est en très bon Ouais. état. C'est bien décevant. Le début de saison était quand même OK. bien, mais là, on n'a pas le choix. Faut vivre avec la température. Puis ça a vraiment des effets négatifs parce que on devait normalement, là, selon les dernières années, accueillir 125 à 150 joueurs pour le tournoi d'ouverture aux membres et aux non-membres en collaboration avec la Chambre de OK. commerce. Et d'un commun accord, hier, on a décidé là, de le reporter à une date ultérieure, cette activité, pour des raisons de mauvaises conditions C'est météo. vraiment dole, c'est vraiment dole. Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine quand même, à part la pluie? Moi, disons que ça a été assez tranquille. En fait, semaine dernière, on a quand même eu un premier OK. tournoi qui était réservé aux membres. On a eu 55 OK. participants sur une petite formule amicale en équipe de 5. Donc, on était bien contents. Puis, il a fait vraiment très beau samedi dernier, donc une belle journée d'été. Environ 20 degrés, beau soleil, beaucoup, beaucoup Ouais. de plaisir. Les gens étaient bien satisfaits, puis ça laissait préserver là, un bon lancement de notre saison. Puis dimanche, ça a commencé à se gâter un après-midi, puis depuis dimanche soir, là, qu'il pleut, puis qu'il fait froid. C'est Il faut attendre la fin de semaine OK. Il prochaine. y a eu un trou d'un coup, hein, récemment. Oui, Ouais. déjà, un de nos doyens, M. Raymond Sissard, Ouais. 78 Oh. ans, qui joue pratiquement tous les matins en compagnie de d'autres retraités, OK. puis il était très heureux de son deuxième trou d'un coup à vie, au trou numéro 4, une distance d'environ 100 verges. Puis ça a été très spectaculaire parce que la balle est comme restée prise entre le drapeau OK. puis le Ah, trou. c'est bon. Puis en s'en venant vers le trou, il y avait du vent un petit peu, puis il a vu la balle vraiment pénétrer dans le trou. Donc, très belle surprise et très belle réussite pour notre ami Raymond OK. Simard. Qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine semaine, si ta nature le permet? Bien, en fin de semaine prochaine, donc la fin de semaine du Ouais. 18, vendredi le 27, vendredi le 17, c'est notre premier tournoi Course OK. Light. Donc, c'est un tournoi compétition en équipe le vendredi après-midi pour ceux qui sont disponibles. Généralement, entre 30 et 36 OK. joueurs. Le lendemain, c'est la première qualification pour la Coupe des champions. Donc, une quarantaine de joueurs en compétition individuelle. Et samedi le 19, on devrait possiblement avoir là, entre 6 et 10 de nos joueurs qui vont descendre au club Saint-Gédéon pour le premier tournoi régional auquel on aura des OK. participants. Donc, ça fait pas mal le tour. Pierre-Alexandre, tu sais ce qui se passe cette semaine? Je n'ai pas parlé encore, évidemment. Je diffuse, mais il n'y a pas de site Internet. Ça, on vire au ralenti. Qu'est-ce qui se passe avec Pierre-Alexandre? Ben là, tu viens de le manquer de 2 minutes parce qu'il vient de prendre le OK. départ au trou numéro 1 à Chibougamau. OK. Malgré qu'il fait 2 degrés, ah, il dit ça fait partie des conditions de la profession. Ah, c'est sûr. Il arrive d'une fin de semaine extraordinaire où il a terminé, il a perdu en finale du championnat match-play provincial. Okay. Le lendemain, il était à la préqualification pour le tournoi professionnel de la Banque Royale où il a fini à égalité en 5e position pour avoir le droit à se rendre en Ontario dans un mois pour les qualifications en vue d'une participation au tournoi de la PGA, oh, de la Banque un peu comme, de la Banque un peu comme Royale. Kevin Fortin-Simard avait fait il y a quelques années. C'est-tu ça? C'est pas oui, mal la même affaire. Là, il est ici pour la fin, okay, de semaine. Mardi, prend l'avion pour Calgary pour un tournoi de 4 jours. Il revient à Montréal. Puis le lendemain, il est d'un tournoi Pro-Am de 4 jours aussi à Montréal. Donc, 6 jours de compétition, 2 vols d'avion dans les 8 prochaines journées à partir de mardi pour Pierre-Alexandre. Dis-moi... Donc, il est sur la route, là, de devenir là, d'un golfeur, ouais, professionnel. Est-ce que... Parce que je sais que c'est temps pour parler. J'avais parlé à Daniel, son père. Est-ce que finalement, il y a une entreprise qui a décidé d'investir dans Pierre-Alexandre? Je sais qu'il y avait des pour parler. Est-ce que c'est fait? Il n'y a rien qui est annoncé actuellement. Okay. Ça continue les négociations, mais comme Pierre me disait tantôt, avant d'aller jouer, plus qu'il continue à bien performer, ben oui, plus qu'il continue à se faire voir, plus les ouvertures devraient venir. Effectivement. Puis il suit son plan de match. Michel, on s'en reparle la semaine prochaine. Oh, le directeur général du club de golf de Chibougamau, Michel